Pakistan gaite kana zare si potani ne lo abili ma ni kama mama kana mo kana ne na na hibi waza baba bengi gafani po babo ni sabili ma abengi masaka yena wabaka abengi samona yena paulisa abengi nzenza yena musa usitwene Yoka makanisi waza banga koye bisa na baninga Eboke toluka bajuwa na bagajo nyoso ya zayi Nako kende na ngonesta mene loko peki sangaite Taino zaresi boka limewa ea bilima Nikamba munga karama yoka nile na nadimi Waza banga bengi ngafani poma bongi sabilima To bengi na kananga toko mina mbushimai To leke na shamba Tosangi na pasair, totali kinchasa, toleki kisangani, tokoni na bandundu, toleki na kibu, tosuki sino ekwato, mopembo ya bilima. Bilima, ye, bilima, bilima, ye, nenge atomeka. Talala otwena, yele pombake, pasete na kabwana. Thank you. kufela bilima kaka motema na kola na nangai mosusu te nalingi kaka bilima wazabanga bengatinga pani pabatele kambo ezali na kola na nangai mpona bilima nalingi kaka bilima bilima mama bilima lomoso na kola na nangai nalingi kaka bilima mapenge masaka ye na mapaka mama na kola na nangai nalingi kaka bilima apenge samona mama na kola na nangai nalingi kaka bilima bilima mama bilima bilima mama na kola na nangai nalingi kaka bilima na kola na nangai omote mapasi mama na kola na nangai bilima nalingi kaka bilima B-E-L-I-M-A bilima du 20 mai, en direct de Kinshasa, le Bilima fait de beau spectacle ce soir. Voici Sapati, Sapati donne à Mabanga, Mabanga donne à Chilabou, Chilabou à Kalonji, Kalonji trouble, trouble pour Kassi, Kikuka, voilà c'est formidable. Mabukira donne à Kanda, à Dougala, Dougala Kayembe, Kayembe triple, donne à Zoumene, Zoumene, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est vraiment formidable, presque formidable, qui a dit qu'il mène, c'est dangereux. Et Zoumene donne, donne à Kanadi, Kanadi donne à Kouboubou, Kouboubou, donne à Zoumene, Zoumene, vite, vite, vite. Thank you.